Aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que c'est la honte de redoubler ? Vantée à ses débuts comme une révolution télématique avec des terminaux dédiés, austères mais solides, et à partir desquels on accédait à un réseau vidéo-texte, il a connu son apogée en 2002, équipant alors 9 millions de foyers et entreprises. Vous le reconnaissez, ce son du Minitel unique au monde. Dans cette boutique de chaussures en plein centre-ville de Rennes, André s'en sert encore. Il n'a pas trouvé plus pratique pour consulter la bourse depuis l'arrivée du Minitel dans les foyers en 1982. Alors, c'est la simplicité même. On appuie sur ce bouton. On fait le numéro standard et connexion. Ça réagit tout de suite. Vantée à ses débuts comme une révolution télématique avec des terminaux dédiés, austères mais solides, et à partir desquels on accédait à un réseau vidéo-texte, il a connu son apogée en 2002, équipant alors 9 millions de foyers et entreprises. Succombant au succès d'Internet, le Minitel s'éteint définitivement le 30 juin 2012 pour ses 30 ans. Simple, fiable et surtout révolutionnaire à l'époque où l'informatique n'existe pas chez les particuliers, France Télécom introduit l'écran clavier dans les foyers. Le célèbre annuaire, la presse en ligne, les petites annonces, le Minitel rose, jusqu'à 25 000 applications dans les années 90. Pourtant, le 30 juin, le réseau Minitel s'éteindra à jamais malgré près de 4 millions de connexions en 2011 sur l'application Internet ou via le terminal. Succombant au succès d'Internet, le Minitel s'éteint définitivement le 30 juin 2012 pour ses 30 ans. J'avais une jambe. Bonjour madame, bienvenue dans l'internet, que puis-je faire pour vous aider? Alors j'ai un entretien super important dans 2 heures et apparemment j'ai besoin d'un certificat. Le certificat B323, celui qui prouve que vous êtes clean sur internet, oui. D'accord, mais moi a priori j'ai rien à me reprocher. Carte d'identité? Oui, bien sûr. Hop là. Non. On est dans la merde en France, on est dans la merde. C'est-à-dire que moi personnellement ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul. Jusqu'à, on dirait, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, se tourne un peu vers l'intérieur et qu'ils disent... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu.